Encore une fois, c'est la partie la plus difficile. Non, vous faites trop connaissez. Voilà ce que vous faites, vous. Passez. Connaissez-vous plus les gâteaux? Le texte. Connaissez-vous la blanche tombe où flotte avec un son? Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Portez le texte au maximum. Un auditeur éclairé ne s'ennuie jamais. Un auditeur éclairé trouve toujours un moyen de s'intéresser à ce qu'il entend. Un auditeur éclairé peut aimer ou ne pas aimer, ses lumières arrivent à se frayer un chemin. La caricature de l'auditeur éclairé méprise l'auditeur qui s'ennuie, alors que la notion d'auditeur éclairé est à peine caricaturale quand elle exagère juste un peu pour tenter de jeter l'ennui hors du champ de l'expérience esthétique. Est-ce pourtant de la vérité qui sort de la bouche des enfants qui se plaignent de s'ennuyer, comme si l'ennui était à coup sûr une souffrance, alors même que de grands philosophes y trouvent une expérience fondamentale, ultime, la preuve que la conscience du temps arrive à saisir l'expérience humaine dans l'épaisseur de sa gratuité et avec elle, la liberté de ne rien faire comme un fardeau tragique. Alors faisons l'expérience d'un ennui profond, fondamental, cherchons son importance, rencontrons-le. Gauvin Lecomte a accepté pour Métaclassique de répondre au nom de l'ennui, Gauvin Lecomte qui est le dédicataire d'une thèse de Roméo Agide, que nous rencontrerons également après ce Lamento de Henri Duparc. Madeleine Panzera Bayo au piano et Charles Panzera dans le Lamento de Henri Duparc. Bonjour, l'ennui. Oui, bonjour. Comment vous faites pour imprégner certaines musiques à ce point-là? C'est surtout les musiques. Vous le faites exprès? Non. Est-ce que vous avez des compositeurs en priorité? Ah oui. Vous pouvez donner des noms? Non. Il fallait faire des recherches. Et j'ai pas. J'étais pas. J'ai amené une console aussi. On peut peut-être jouer un peu. Ah, vous êtes ami du divertissement quand même? Si j'étais pas là, lui, il serait pas là non plus. Hein, donc, on est ensemble. Vous avez des genres préférés, des genres musicaux de prédilection? Oui. J'aime pas trop d'instruments. Il faut vraiment qu'on reste. La mélodie piano, ça, c'est pas mal. Ah, c'était génial. Là. On a bien senti que. Il y a une petite envolée à la fin, ça m'a un peu frustré. Mais sinon, c'était. Il y avait tellement d'espace entre les notes qu'on avait le temps de les oublier. Aucune synthèse n'était possible. Si j'étais pas ennuyé, j'en serais même très excité. Vous grandissez avec la modernité? Non. Non, j'ai toujours été là. J'ai souvent changé de public, par contre. Hein. Ça dépend des situations, ça dépend des personnes. Mais j'ai toujours été présent dans l'expérience des êtres humains. En particulier quand ils écoutent de la musique, parce qu'il faut bien le dire quand même, la musique, ça s'écoute avec les oreilles. Après, on a tout le reste du corps qui fait rien. C'est parfait pour moi. C'est absolument magnifique. Depuis quand est-ce que des philosophes vous défendent? Depuis que les philosophes s'ennuient. C'est-à-dire depuis que Pascal s'est retrouvé bloqué par une maladie chez lui, qu'il a pris pas mal de temps à s'ennuyer, je pense. C'est un peu votre parrain? Ah, c'est... Je dirais que c'est même... C'est un mentor. C'est quelqu'un qui m'a appris que je pouvais exister comme une dimension de l'existence, alors que moi, je me vivais essentiellement comme une nuisance. Hein. J'étais très mal vu pendant longtemps. J'ai fait preuve de beaucoup de discrimination. Certains se sont demandé s'ils ne vous avaient pas rendu un peu prétentieux. Oui, c'est eux les prétentieux. Hein. Moi, ça va. Hein. Il vous a pas donné plus d'importance que vous n'en méritez? Je sais pas. Réfléchissez longtemps. Et au bout d'un moment, vous vous ennuierez. Et vous verrez que j'ai de l'importance. Merci l'ennui. À tout à l'heure, Gauvin Lecomte. Thank you. Ce sont les automates musicaux du musée d'État de Munich qui interprétaient à l'instant ce pot-pourri du Tannhauser de Richard Wagner. Bonjour Roméo Agide. Bonjour. Vous avez donc fait une thèse qui s'intitule « Ennui situationnel en période d'écoute musicale » à l'université d'Evry. Et alors, vous vous êtes questionné sur ces situations où la musique littéralement nous ennuie. Parmi ceux qui dénoncent l'ennui, il y a par exemple un critique musical du 19e siècle qui s'appelle Edward Hanslick, qui lui accusait les automates d'être incapables de nous créer de l'émotion musicale et par conséquent d'être à coup sûr ennuyeux. Oui, disons qu'Hanslick, en fait, c'est quelqu'un qui a déjà le mérite de poser la question d'une automatique musicale assez tôt, je trouve. Mais surtout, dans le lien qu'on pourrait faire avec l'ennui, ce qui est assez intéressant, c'est que lui décide que la création intéressante, celle qui va nous interpeller, vient forcément d'une création singulière, d'une chair, d'un humain. Et du coup, à partir de là, il y a toute une critique derrière, évidemment, implicite, de ce qui relèverait d'une automatique, en fait, de quelque chose qui serait décidé en amont, de structurer avant. Et du coup, il y a l'idée qu'il y ait toujours une liberté d'interprétation, une liberté de faire, de composer. C'est très romantique. C'est très romantique, ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, et que non. Pour vous, pour s'ennuyer, il faut quand même être libre de s'ennuyer. C'est-à-dire que c'est quand même plutôt une affaire de l'auditeur. Exactement, c'est là que je me sers d'Hanslick dans le début de mes réflexions comme quelque chose qui m'a plutôt interrogé. Effectivement, c'est-à-dire, je me dis, il est étrange que dans ces théories, dans ces critiques, dans ces systèmes, dans ces façons de penser le musical au 19e siècle, puis on va dire même quand même une grande partie du 20e siècle, en fait, pour parler de l'ennui, on parle beaucoup de la musique en tant qu'objet composé et on porte peu notre attention sur le phénomène de réception, c'est-à-dire l'écoute en tant que telle. Et donc de dire d'une musique qu'elle est ennuyeuse et de l'associer au principe qui lui donne naissance, le principe de composition, c'est déjà une idée très forte qui, moi, m'a beaucoup interrogé. Oui, je préfère m'interroger sur la question de l'écoute. L'ennui, il apparaît chez l'auditeur, selon moi. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai. Donc c'est toujours au nom d'une espèce de sophistication de son écoute qu'on accuse une musique d'être ennuyeuse ? C'est un procès qui suppose qu'on a établi une hiérarchie entre les musiques intéressantes et celles qu'on se donne le droit de dédaigner. En tout cas, dans l'idée que fait Hanslick de tout ça, oui, puisque dès qu'on applique la question d'un ennui, donc on n'a pas encore tout à fait là pour l'instant défini, mais de l'ennui, par exemple l'ennui que je ressens quand j'ai ressenti quand on m'a amené voir petit un opéra de Wagner et que c'était infernal, eh ben... Je veux dire, l'ennui, je l'ai partagé avec personne, c'est quelque chose qui s'est situé vraiment dans mon processus de traitement, en fait, dans quelque chose que moi j'ai réalisé vis-à-vis de quelque chose qui m'est arrivé. Moi, je l'ai lié à l'écoute, il y avait plein de paramètres, il y avait du visuel, il y avait du récit, il y avait des mots, il y avait des jeux d'acteurs. Mais en fait, effectivement, du coup, ça a catégorisé, moi, pour moi, petit, Wagner, comme quelque chose qui était définitivement une musique ennuyeuse. J'ai mis beaucoup de temps à y revenir. Donc oui, ça a catégorisé une certaine partie du répertoire, en tout cas, le mien. Bon, donc maintenant, j'y reviens. Vous semblez supposer qu'il a fallu désapprendre cette catégorisation-là. Un peu, parce que, bon, dans les études, après, il fallait que... Et puis surtout, c'était le moment où moi, j'ai décidé que ça allait m'intéresser. C'était d'aller, de quelque part, de forcer un peu la machine à aller vers des musiques qui n'étaient pas... qui faisaient pas du tout partie des musiques qui m'intéressaient au départ. Donc c'était ça l'enjeu, presque, l'aventure de ma thèse, un peu, c'était ça, au départ. Dans le même mouvement que celui fait par Hanslick, on méprise parfois les musiques pédagogiques d'être par nature ennuyeuses, comme s'il n'était pas possible qu'elles soient intéressantes, comme par exemple l'art de délier les doigts, voici Karl Czerny. Thank you. C'était Jean-Frédéric Neuburger qui cherchait une virtuosité intéressante dans un morceau qui est souvent prescrit comme non intéressant et ennuyeux, qui est ce mouvement des doigts en tenant la main tranquille, la première page de l'opus 740, L'art de délier les doigts de Karl Czerny. Vous en avez joué beaucoup, Roméo Agi? Non, j'en ai joué un peu, oui, dans le cadre de ma formation, on est obligé de faire du Czerny, du Hamon. Et tout ça, c'est de l'ennui prescrit. On vit pas, je sais pas, moi j'y vais ça comme quelque chose d'ennuyeux parce que ça relevait de la pratique et quelque chose qui était, enfin, de la pratique technique. Donc on n'était pas dans, disons que mes enseignants ne me parlaient pas d'interprétation ni de plaisir de jouer. Il s'agissait de maîtriser quelque chose. Oui. Après, ça peut être très intéressant quand même. Hein. On dirait qu'on est, Gauvin Lecomte, assez obéissant quand on s'ennuie au bon endroit, c'est-à-dire devant une méthode pédagogique, et qu'il serait presque transgressif de prendre du plaisir à jouer la méthode rose. Oui, tout à fait. Moi, je suis enseignant au lycée, j'ai beaucoup de collègues qui m'expliquent que l'ennui a un grand rôle pédagogique. C'est extrêmement fondamental dans la vie et l'apprentissage des élèves, qu'il y ait des moments d'ennui, que ça fait partie effectivement de ce cadre qu'on impose, et s'ils s'ennuient dans ce cadre, c'est bien. Et il y a même des discours qui vont au-delà et qui vous expliquent que les jeunes d'aujourd'hui, s'ils sont plus capables de s'ennuyer, ils seront plus capables de rien faire, parce qu'ils ont accès à tout via leur tablette, etc. Et donc on retrouve assez bizarrement dans le discours pédagogique, et plus généralement dans le discours éducationnel, dans la manière dont on éduque nos enfants, une sorte de mise en... de valorisation de l'ennui comme étant quelque chose qui est soit quelque chose d'important pour l'apprentissage, soit d'important pour l'action. Quelque chose qui... Après, ça peut être critiqué. Hein, je dis oui. Juste que c'est des discours qui existent. Beaucoup comme des soupapes. Moi, j'ai vu beaucoup ça dans dans les pédagogies qu'on évoquait à l'instant de livres. C'était vraiment d'un ennui... qui fait du bien, qui se pense comme une pause face à un flux informationnel ingérable, et du coup l'ennui serait quelque chose d'une relaxation. Ça, c'est quelque chose, par contre, je suis totalement contre cette idée, puisque je vois quelque chose de très actif, au contraire. Mais oui, oui. C'est-à-dire que ça trahit l'ennui que de considérer qu'il pourrait être utile. Exactement, mais de toute façon, on voit bien que... Moi, quand j'ai dit que je travaillais sur l'ennui, ça c'est assez symptomatique de ce qui se passe, c'est que dès qu'on dit aux gens, je me rappelle Damien Erhardt, mon directeur de thèse, dans un exercice de restitution orale, je ne sais plus lequel, m'a présenté comme spécialiste de l'ennui. C'était incroyable parce que moi, j'étais hyper flatté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça et après, les gens venaient me voir pour me dire que le sujet était passionnant. Donc l'ennui, dès qu'on le nomme, ça devient intéressant. Et je crois que ces pédagogues dont tu parles, Gauvin, c'est une manière en fait de trouver, de le maîtriser. C'est-à-dire de dire, en fait, en faisant quelque chose qui est important, c'est une manière de se dire qu'on a compris ce que c'était. Or, en fait, je ne crois pas que ce soit si simple. Je suis assez d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est encore plus profond. C'est que c'était intéressant quand tu racontais ton expérience de l'opéra de Wagner en étant petit. C'est que l'ennui, il partage quelque chose avec la souffrance, qui est que c'est un état de pure négativité. C'est un état dont on veut sortir, en fait. C'est un état que quand on le ressent, en tout cas en première personne, on le ressent comme quelque chose dont on veut que cela cesse. Et les gens qui prescrivent l'ennui de manière pédagogique ou de manière existentielle comme étant un remède ou comme étant quelque chose d'important, très souvent ne sont pas ceux qui vont s'ennuyer eux-mêmes. Et oublient cette dimension vraiment de négativité de l'ennui. Mais voilà, il y a une dimension d'action, effectivement, très importante dans l'ennui. Qu'est-ce que ça fait d'être, Gauvin Lecomte, le dédicataire d'une thèse sur l'ennui? Ça me fait beaucoup de... c'est une énorme, un énorme honneur, et je suis très content. Mais c'est un honneur ironique. Ah, c'est un honneur... Alors, non. Si, si. Alors, moi, je le vis comme un honneur, avant tout, et je ne changerai pas d'avis, voilà. Non, c'est un immense honneur. Je connais Roméo depuis la crèche. Vous êtes beaucoup ennuyés ensemble. On s'est énormément ennuyés, on a un partage de l'ennui en classe. Non, on s'est pas tellement ennuyé que ça. Mais surtout, en fait, ça fait quelques années, ça fait bien presque 10 ans maintenant, qu'on travaille ensemble sur des... on fait des recherches en commun, au sein d'un réseau d'activités qu'on appelait le RA. Et chacun a son pré, sa chasse gardée. Hein. Moi, je suis plutôt philosophe, Roméo est plutôt musicologue. Théoricien de la musique. Théoricien de la musique, pardon. C'est quoi la différence? Bon, vous préférez qu'on écoute Boccherini ou Franz Liszt? Ah ouais, volontiers. Ah, c'est marrant, mais ça dépend quoi de Liszt? Alors, c'est une rhapsodie hongroise. C'est la deuxième? Oui. Voilà, Liszt. Alors, Liszt. Ah non, on laisse tomber Boccherini. C'était donc la fin de la deuxième rhapsodie hongroise de Liszt par Georges Szifra, Roméo agite. Pour vous, il y a une corrélation possible entre la forme de l'œuvre et l'intensité de l'ennui, que, en l'occurrence, il n'y a pas. Là, dans cette pièce, non. Pour moi, du coup, au niveau personnel, il n'y en a pas du tout. C'est une œuvre que j'adore. Mais oui, disons que j'ai cherché, moi, j'ai cherché à identifier s'il y avait justement un rapport entre... C'est l'œuvre, particulièrement l'écoute qu'on en fait. Donc là, on touche vraiment au cœur de ce qui m'a, de ce que je suis pas parvenu à résoudre ça en fait. Cette idée que comment on modélise l'écoute, donc l'œuvre, et éventuellement l'intensité de l'ennui. Donc du coup, ça fait appel à différents paramètres. On va puiser dans différentes disciplines des notions. Donc moi, évidemment, c'est une thèse en art, hein, c'est pas une thèse en science. Mais je suis allé chercher dans différentes disciplines. Des thèmes fondamentaux qui m'ont permis d'esquisser, disons, une modélisation de l'ennui en rapport appliqué à l'œuvre, en fait. Enfin, disons, appliqué à une écoute de l'œuvre. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une musique doit être forcément répétitive pour être ennuyeuse ? Alors, très bonne question. S'oppose, quand on parle d'un ennui, donc là c'est un ennui très spécifique, on est très loin de l'ennui de philosophie que Gauvin expliquera mieux ça que moi, mais donc moi je parle d'une situation, je parle en fait d'un ennui qui peut surgir dans un temps relativement court, mais en fait, la répétition, c'est une condition pour ne pas s'ennuyer. Mais la répétition perpétuelle, on sait que l'ennui va surgir. De même que la rupture, c'est une condition pour ne pas s'ennuyer. Mais on sait que s'il n'y a que rupture, on ne parvient pas à dégager de forme, et donc on va finir par s'ennuyer. Donc c'est au milieu de tout ça, dans un jeu subtil d'équilibre entre différents paramètres, il y en a d'autres, que se construit à l'échelle d'un sujet, d'un dispositif de traitement individualisé. Moi, j'ose même pas parler de sujet, sinon je me fais gronder par les phénoménologues et les philosophes et les psychologues et tout ça. Donc ça, c'est clair que j'ose pas. Moi, j'utilise des mots hyper abstraits pour échapper à toutes les critiques possibles, mais disons justement que... j'y arrive pas, d'ailleurs. Mais disons simplement que... c'est là que se caractérise pour une écoute particulière un ennui particulier. Quel antidote on peut trouver ? Oui, Gauvin. Non, j'avais du coup une question qui, en fait, il m'est jamais venue. Ça fait des années que je réfléchis avec Roméo là-dessus, enfin que je vois Roméo réfléchir là-dessus, mais c'est une question que je t'ai jamais posée. C'est est-ce que tu penses que il y a une spécificité de l'ennui musical, de l'ennui dans l'écoute musicale par rapport à l'ennui qu'on peut ressentir devant un film de 6 heures ou par rapport à l'ennui qu'on peut ressentir dans un trajet en métro, voilà, dans un supermarché. Je trouve qu'il y a une dilatation du temps dans les rayons. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'horloge. Les supermarchés sont c'est un ennui très particulier. Très moderne qu'il est. Ouais. Un ennui un peu postmoderne. Ouais, Donc est-ce que tu penses qu'il y a un ennui spécifiquement musical ou pas ? Bah pareil, disons que là, méthodologiquement, en fait, une fois de plus, désolé, je me réfugie derrière tout ça, mais moi j'ai décidé que oui. Parce que j'ai décidé que oui, pour des raisons pratiques. Ouais. Parce qu'une fois de plus, quand on dit ennui, au départ, et après c'est des choses qu'on va... Une fois que ce sera réglé par toi, j'espère que tu le feras dans la suite, mais c'est une fois de plus qui... Quand on parle d'ennui, le premier réflexe, c'est de penser à l'existence. Donc les gens parlent d'un ennui toujours... Enfin, la première chose à laquelle on pense, c'est l'existence. Et c'est difficile de dire, en fait, je ne vais pas parler de la vie, je ne vais pas parler d'un désir de mort, je ne vais pas parler d'un... Je vais juste dire, voilà, j'étais dans le supermarché et je me suis profondément ennuyé, où j'ai été voir Wagner, et je me suis profondément... J'ai vu Marvel, enfin voilà. Mmh. Et ces choses-là, une fois que c'est caractérisé, moi je dis, en plus, à l'intérieur, il y a les images, il y a le texte, il y a le fait qu'on ait mangé un burger un peu difficile à digérer, il y a le fait qu'on... Donc tout ça, moi, j'en parle, évidemment, j'ai pas la réponse, mais je dis que c'est évidemment des paramètres dont il faut tenir compte pour dire « Ah !» Ce que dit votre thèse, c'est donc que ces moments de rupture, de surprise, peuvent être quand même anticipés, programmés presque par la forme, et là où il y a quand même un lien entre l'écoute musicale et... entre l'ennui musical et l'ennui qui serait philosophique, c'est que dans notre rapport au temps, je me souviens de ce fragment d'Héraclite qui dit « Fatigue... » Peut-être est-ce qu'on pourrait prendre ennui comme alors synonyme, c'est peiner aux mêmes tâches ou par elles commencer. C'est-à-dire, soit il y a trop de répétitions, on ne voit pas ce qui se renouvelle dans le temps, soit il n'y a que de la surprise et donc on ne voit pas ce qui se joue dans le temps, de la même façon. Oui, c'est quelque chose d'assez intéressant dans la notion de chaos notamment, qui est propre, qui est très importante pour les Grecs et particulièrement chez Héraclite. Le chaos, c'est cette. C'est pas une complète absence d'ordre, mais c'est un ordre qui est toujours en train de se refaire, de se reconstituer. Mais c'est justement un ordre dans lequel on ne peut plus faire la distinction entre ce qui est de l'ordre du changement, de la rupture, et ce qui est de l'ordre de la répétition et de la continuation. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus de point de repère, on n'a plus un pôle de stabilité qui nous permet de dire « Ok, ça change par rapport à ce pôle de stabilité-là ». Et c'est vrai que là-dessus, la réponse que tu donnais tout à l'heure, elle fait écho à ce que pourrait ressentir, ce qu'on peut ressentir quand on essaye de désigner soit un flux en perpétuel changement, soit une stabilité totale. C'est que dans les deux cas, au final, on revient métaphysiquement un peu à la même chose. Mmh. Vous écrivez Roméo à Gide pour la fête d'anniversaire de ses 27 ans, Clara et Good Girls de Beyoncé, pièce entendue au préalable en différentes circonstances. On croit deviner donc que l'excitation qu'elle va trouver à cette écoute tient dans la répétition. Plus loin, vous écrivez « Ce lundi, Robert croit à raison qu'il s'ennuie à la découverte d'Eonta de Yanis Xenakis, pièce dont il est difficile de présager le déroulement. » Et là donc, vous connectez l'ennui au fait qu'on puisse anticiper ce qui va se passer dans Absolument. La pièce. Alors, là, on rejoint donc la notion... C'est là que l'enjeu, en fait, c'est là qu'est l'enjeu. C'est-à-dire qu'il est, il est assez clair au départ que, votre citation, la citation d'Héraclite, toute cette manière qu'on a de régler le rapport au temps, le rapport à la répétition, le rapport au même, le rapport à l'inconnu, tout ça, ça va. En fait, le problème maintenant, c'est d'insérer tout ça dans un contexte particulier. Ce contexte, il est infiniment complexe. Donc moi, là, dans les exemples que je donne, qui sont des exemples qui sont totalement fantasmés, bien sûr, c'est même pas des expériences de pensée, c'est des aberrations en mode de faits divers, mais qui sont là simplement pour dire, s'il fallait demander à Robert pourquoi tu t'ennuies, c'est bien qu'on sache qu'il s'ennuie dans telle situation, que un, il ne connaissait pas, que deux, il n'est pas familier avec les compositions de Xenakis. Voilà, donc il y a des paramètres dont il faut tenir compte. Je nomme juste ce fait-là parce que on vit dans un monde aujourd'hui, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure sur tout ce flux d'informations, où comme tout le monde a un avis sur tout, eh bien, du coup, on s'égare dans les contextes initiaux, dans les contextes premiers, c'est-à-dire des endroits où, un, on sait, deux, on ne sait pas, trois, on a déjà entendu, quatre, on n'aime pas le piano, cinq, je suis musico, j'ai des amusies, j'ai des problèmes avec la flûte de Pan, je ne sais pas, mais donc tout ça, il faut en tenir compte impérativement, parce que sinon, du coup, on ne caractérise pas quelque chose de général dans l'ennui. Faisons l'expérience d'écouter un peu Eonta de Yanis Xenakis. Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel. Thank you. C'était un extrait des Honta de Yannick Xenakis. Gauvin Lecomte, est-ce que vous êtes ennuyé à la mesure de Robert citée par René Agide dans sa thèse? Oui, je me suis senti très Robert là. Ouais. Alors, je ne me suis pas ennuyé. Je ne dirais pas que je me suis ennuyé. Là, c'était plutôt une expérience de l'incompréhension, mais de l'incompréhension savante. C'est-à-dire que je sais que je ne comprends pas. C'est différent de l'ennui tel que j'ai pu le ressentir dans d'autres circonstances. Et ça, c'est une des choses qui m'a paru très intéressante dans le travail de Roméo, c'est le fait d'essayer de trouver des paramètres dans l'ennui. Alors que c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé sur ma propre réflexion, sur les émotions et sur l'ennui en particulier. En philosophie, on va vite prendre l'ennui pour le signe de quelque chose d'autre, le signe de la misère de l'homme sans Dieu, si on est Pascal, par exemple. Et le travail de Roméo a été de déconstruire un peu toutes ces représentations-là pour vraiment s'intéresser à l'ennui lui-même et en même temps l'utiliser comme, ce que tu me disais hier, comme un outil pour interroger les théories musicales et les impensés de ces théories musicales. On va peut-être essayer d'expliciter quels sont ces paramètres, parce que Roméo Agide, quand on les cite, il y en a certains qui peuvent passer pour artificiels, excusez-moi, mais par exemple, la reconnaissance du schéma rythmique, la reconnaissance des contours mélodiques, la reconnaissance de la trame harmonique, le maintien des proportions formelles, autant d'éléments qui, s'ils ne sont pas pris en charge de façon un peu explicite, peuvent être à peine perçus. Tout à fait. En fait, là, je me heurte, de toute façon, ça a été toujours le cas, et c'est, comment dirais-je, c'était le destin fatal de cette thèse, non, mais de ces recherches que je continue à mener par ailleurs, mais vous avez très bien, tout à fait raison, de soulever cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'expertise derrière. Et évidemment que les paramètres que je soulève, c'est des paramètres qui sont extrêmement précis, en fait, pour quelque chose qui pourrait rester extrêmement flou. Et mon choix, c'était plutôt le travail que je menais était de mettre ce travail en lien avec les théories de la musique. Je voulais absolument que les paramètres de la théorie de la musique existent. C'est peut-être une erreur, donc peut-être que dans la publication que j'en ferai ultérieurement, je prendrai pas ces paramètres précisément, justement. Je simplifierai, je pense. Oui, c'est pas forcément quelque chose. C'est pas parce que ce sont pas des notions ou des paramètres que l'on a consciemment en tête. Moi, quand je disais que je m'ennuyais en écoutant telle ou telle musique, c'est vrai que je me dis pas, ah tiens, ça doit être le schéma rythmique qui m'ennuie. Cependant, ça peut quand même avoir des effets, et il suffit de le souligner pour que je puisse le voir après. Oui, et même si on les analyse pas, même si on les conscientise pas, voilà, ceux-là qui peuvent quand même jouer. Agir. Omer Corley a lu votre thèse, Roméo Agide, et il vous pose cette question. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire L'ennui situationnel en période d'écoute musicale. Roméo Agide, j'ai une impression qui m'est venue tout de suite. Je me suis dit, c'est très étrange, vous ne parlez pas de la CDI. Alors évidemment, j'avais lu le travail de Lars Vendensen il y a longtemps, en édition poche, pour tout vous dire. Et récemment, je l'ai même offert à un petit garçon. Alors, mais toujours est-il la question de la CDI, vous n'en parlez pas. Et tout de suite, il m'est venu, moi, une grille, puisque je fonctionne un peu sur symétrie, vous aussi, j'ai l'impression, à regarder vos graphes. Et donc, tout de suite, j'ai opposé à CDI la forme existentielle de l'ennui, on peut presque dire, et puis l'ennui situationnel, qui serait sa forme de la CDI, qui serait la forme de la CDI situationnelle, ça serait l'ennui. Donc ces deux catégories, la CDI que vous ne traitez pas, que vous oubliez, et pourtant qui est une catégorie fondamentale, au moins, on la voit souvent sous la figure de la mélancolie, donc sur le résultat, la conséquence. Mais il faudrait plutôt prendre la forme générique, celle qui fait que la personne se détache de la vie par ennui, pour la situer ou la définir d'une manière un peu tautologique. Cette approche est passionnante, mais en même temps m'a posé une question. Alors, sur votre fameux graphe circonflexe de Russell, j'aurais opposé actif, passif, et déplaisir, plaisir. Voilà un petit peu. Alors là, évidemment, j'aurais l'impression de rejoindre le modèle anglo-saxon sur le plaisir, déplaisir que l'on peut voir dans cette manière. Et je pense que c'est ce modèle-là qui est quand même à la source du travail de Russell. Et pour revenir plus précisément, à une problématique qui m'a semblé là très intéressante, parce que presque conflictuelle, c'était peut-être que dans l'ennui, il y a deux catégories que j'aimerais que vous redéveloppiez sur la question de l'acquis et l'attente. On voit bien qu'on échappe à l'ennui, en fait, par l'acquis et aussi par l'attente. où si ni l'un ni l'autre ne joue, évidemment, ce que vous appelez effectivement cette situation de moment, sans ces deux catégories-là, évidemment, et ça devient très très difficile de saisir l'ennui, ou alors on peut aborder la musique, mais ce n'est pas ce qui se produit, je pense, dans l'écoute, en essayant de repérer simplement les catégories musicales. Il y a bien deux questions. Trois. Alors, là c'est dit. Oui, là c'est une, c'est une remarque très juste qui m'a été faite de nombreuses fois. Moi j'ai très peur de la phénoménologie, voilà, je le dis objectivement. C'est quelque chose qui m'effraie. Du coup, vous prenez les sciences cognitives sans réserve. Bah, je les prends pas, mais elles me rassurent plus dans la manière qu'elles ont d'aborder cette question-là, surtout la question de l'attention. Et bien sûr, je tiens pas à dire que la phénoménologie est quelque chose qui a moins de mérite, mais c'est simplement que c'est quelque chose qui, dans la manière que je manque de formation, c'est quelque chose qui est très abscon pour moi. Et j'ai fait ça a été souligné, j'ai fait le choix de vraiment d'esquiver. C'est quelque chose que j'assume dans l'introduction d'ailleurs, de dire non, je n'irai pas là-dedans. Ça, c'est la première chose. Pourquoi ? Alors après, je peux rapidement vous expliquer pourquoi. C'est parce que le problème, c'est que cette opposition, cette tendance qu'on a entre l'ennui d'une existence et cet ennui que j'appelle l'ennui de situation, d'abord, c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas vraiment. Mais... Il n'y a pas d'ennui d'existence ? Si, il y a de situation, c'est-à-dire l'ennui de situation est tellement construit que on trouve très peu d'ouvrages qui finalement parlent de cet ennui de situation, sinon ces ouvrages du bien-être ou de la pédagogie des enfants, des choses comme ça. Mais donc oui, c'est clair que j'aurais pu développer quelque chose du côté de la phénoménologie, du côté de la philosophie, du côté de l'existence, de la littérature même, de la poétique en général, de la poésie. J'ai touché un peu à Pessoa et tout ça, mais j'ai vraiment eu très peur de m'embourber. Voilà, ça c'est la première chose. Donc là-dessus, c'est plus quelque chose qui viendra, disons, avec un peu de maturité. Mais pour l'instant, non merci. Deuxièmement, il y avait la question, cette fois... Les circonflexes de Russell. C'était un modèle aussi que j'ai utilisé de manière extrêmement pratique. Qui oppose, par contre, clairement, et ça c'est quelque chose que je crois nommer, en tout cas, plaisir, déplaisir, activité, inactivité. Donc ça, en ce sens-là, c'est juste quelque chose qui permet de visualiser. Tout le problème, de toute façon, de la thématique de l'ennui en période d'écoute musicale, c'est le problème de la modélisation, de la visualisation. C'est-à-dire qu'on peut dire, de toute façon, on peut se servir de la partition pour parler de la musique, on peut se servir d'une courbe, on peut se servir... d'éléments, de schémas, de textes. Ce qui est très difficile, c'est de nommer à partir de quoi on parle, en fait, de quelle temporalité, de quel empan. Et Russell, c'est simplement comme d'autres outils que j'utilise, hein, chez Narmour, la notation quand même du mouvement labanien, particulièrement le kinétique, l'effort de Labane, pour simplement se servir de modèles existants et pour arriver à décrire quelque chose qui, pour l'instant, n'a pas réussi, selon moi, à être décrit avec rigueur. Ouais. Et puis il y avait la question des acquis et de l'attente. En fait, ce qui est intéressant dans la question de l'attente, c'est parce qu'elle permet simplement, moi je la calque d'ailleurs sur le modèle de l'attention, hein, au sens européocentré de la question tonale, de l'attention harmonique presque, comme on pourrait le voir ailleurs. C'est des parallèles qu'on peut faire. Hein, je veux dire, quand on apprend l'harmonie, on nous dit genre là il y a une tension qui réside dans cette alternance. Complètement clair, visiblement, mais qu'il ne l'est pas. Moi, je crois vraiment pas entre résolution de tension, détente et réactivation de tension, etc. Bon, bref, donc c'est clair que l'attente, elle joue un rôle déterminant dans le traitement de se donner. En tout cas, l'acquis aussi, puisque du coup, je suis désolé, moi, j'ai le sentiment que, par exemple, la musique de Webern, de Schoenberg, si on ne me l'avait pas fait écouter plus tôt, elle serait quelque chose qui, dans un contexte musical tel qu'il nous est donné en termes de musique d'ascenseur, dans les musiques d'ascenseur, dans les supermarchés, ce qu'on entend par ailleurs un peu partout, sur le net, etc., ça, dans les médias, bon, bah, ce type de dissonance, je ne suis pas familier avec, donc il est clair que c'est quelque chose qu'il va falloir, l'apprendre, cette dissonance. Donc oui, l'acquis joue un rôle déterminant. Mais je crois par contre, pour répondre à la question, d'abord, il y a deux choses qui ont été dites, c'est une situation du moment. Donc moi, je tiens vraiment à dire que la situation, c'était justement pas quelque chose qui ne concerne que le temps, c'est quelque chose qui concerne vraiment un rapport beaucoup plus général à l'action de l'écoute. On est dans des perceptions beaucoup plus larges que simplement une perception du temps. Le temps, il est problématique en musique que parce qu'on a du mal à le modéliser. Enfin, dans ce qui me concerne, moi, ma problématique. J'arrive pas à le représenter bien. C'est là, moi, mon grand défi, et c'est là que les travaux de Jean-Marc Chouvel, par exemple, m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Même si, par ailleurs, parfois, je les prends un peu de travers, parce que c'est complexe. Je sens bien qu'on touche ici à des expertises sur cette question de la modélisation du temps qui sont extrêmement fines et rigoureuses. Mais disons que voilà, et donc l'acquis et les attentes, les préférences, tout ça joue un rôle déterminant. J'accélère, excusez-moi, ça devient ennuyeux comme ma thèse. Et tout ça devient déterminant pour caractériser l'écoute. Mais le but, c'est pas que l'auditeur sache qu'il s'ennuie et qu'il dise à la fin je me suis ennuyé parce que il y avait trop de chats ou je me suis ennuyé parce qu'il y avait oh là là, j'aime pas les violons. C'est pas ça le but. Le but, c'est de caractériser une fois de plus quelque chose de beaucoup plus général, d'inférer d'une écoute particulière des informations qui permettraient de comprendre ce qu'est l'ennui en général. C'est ça l'objectif, c'est pas de faire ce sticker, j'en parle à la fin de ma thèse, qu'on mettrait sur les CD pour dire attention musique hyper répétitive, si vous aimez pas ça, l'achetez pas. Justement, on est dans quelque chose qui reconnaît la complexité en fait des écoutes particulières, mais qui cherche à en déterminer des formes générales. Voilà, c'est pour ça que... D'où Morton Feldman. Un extrait de clarinette et quatuor à cordes par l'ensemble Phoenix de Morton Feldman, compositeur américain connu pour travailler la durée dans des étendues telles que l'ennui, s'il est ressenti, est tout de suite vectorisé vers sa diffraction et donc par, dans sa situation musicale, reprendre une dimension existentielle. Alors, Gauvin Lecomte, comment on fait pour retravailler ce dualisme pour conclure ? Alors, c'est cette distinction entre ennui existentiel et ennui de situation. Cette distinction, elle a le mérite de nous mettre le nez sur un ennui qu'on a tendance à oublier pour partir immédiatement vers des réflexions sur l'existence. Et là où je trouve que c'est cohérent avec la méthode qui est à employer, c'est que les sciences cognitives, et en particulier la psychologie cognitive, ne sont pas du tout propres à saisir ce que c'est que l'ennui existentiel. Ça échappe à leur méthode et à leurs moyens de connaissance. Par contre, elles sont tout à fait aptes à saisir ce que c'est que l'ennui de situation. Parce que quand on fait de la science cognitive, quand on fait de la psychologie cognitive, on fait des sciences expérimentales, et on peut justement essayer de mettre les gens dans ces situations expérimentales d'ennui. Je rappelle que... je reviens à Pascal, parce que c'est quand même, encore une fois, Celui dont Roméo ne parle pas et qui est en angle mort, mais qui a besoin d'être en angle mort pour être un révélateur, en fait. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que... Enfin, tout le monde... chose qui peut arriver à un homme, c'est de rester seul dans une chambre. Et il y voit le signe de la misère de l'homme sans Dieu, de la marque du péché originel, etc. Mais au final, ce qu'il nous décrit, c'est quoi ? C'est une situation. C'est la situation d'un homme seul dans une chambre, avec probablement de quoi se nourrir, de quoi vivre, de survivre bien, et pourtant, dans cette situation-là, il va s'ennuyer. Et je trouve ça vraiment très intéressant, et d'une certaine manière, c'est un bel honneur, c'est un bel hommage, c'est un bel héritage de Pascal d'étudier autant l'homme qui s'ennuie que la chambre dans laquelle il s'ennuie. Cela dit, c'est pas le propre de Pascal d'avoir essayé de tirer des vérités très très très générales de situations, en fait très situationnelles. Quand on pense au morceau de cire de Descartes, c'est un homme à la bougie qui... Ah oui, mais ça c'est aussi parce que c'est le génie de ces écrivains de ces philosophes de l'âge classique, de savoir utiliser des situations très très précises, très ancrées dans leur époque, et pour en tirer de la nourriture métaphysique. Mais Pascal a cette capacité, par son écriture, à nous mettre dans la situation qu'il veut. Et il y arrive. Je trouve les textes des pensées absolument magnifiques pour cela. Par exemple, les textes sur l'imagination, il nous dit « Imaginez-vous en train de marcher sur une planche qui est entre les deux tours de Notre-Dame, même si elle est suffisamment large pour que vous puissiez passer d'une tour à l'autre, bah, vous auriez peur aussi. Bah, » Oui, on aurait peur. Il nous met dans cette situation-là, Pascal. Et c'est pour ça que je dis que finalement, en fait, en s'intéressant à l'ennui de situation, eh bien, on est autant un héritier de Pascal que si on s'interroge sur toute la portée métaphysique et la vérité très générale que l'on peut tirer de l'ennui que nous décrit Pascal. Mais la force de ces vérités est quand même dépendante de la force des images utilisées pour les mettre en relief ou, Je ne sais pas si on pourrait dire qu'elle est dépendante de la... Non, en tant que philosophe, je dirais pas qu'elle est dépendante de la forme qu'on emploie, c'est-à-dire de l'écriture qui est faite. Mais il y a clairement, chez Pascal, l'utilisation de l'écriture comme un petit dispositif expérimental. Il ne faut pas oublier que Pascal est celui qui invente la méthode expérimentale, hein, avec ses expériences sur le vide. Et ce qui est formidable, c'est qu'il arrive à inventer des dispositifs expérimentaux par l'écriture, par les mots, jusqu'à mettre la croyance de Dieu dans un calcul de probabilité. Oui, jusqu'à le pari. Oui, avec le pari. Et c'est très drôle parce que le pari, au final, il est pas. Pascal sait très bien que le pari qu'il propose, au point de vue des calculs des probabilités, n'a aucun sens parce qu'il y a des grandeurs infinies à l'intérieur. Donc c'est que rhétorique. Donc c'est pas que rhétorique. C'est quelque chose qui frappe l'imagination. Et ça, Pascal sait le faire très très bien. La conclusion, c'est quand même qu'il n'y a pas de musique vraiment ennuyeuse. Il n'y a que des auditeurs qui s'ennuient. Ça fait partie des conclusions, je voudrais juste revenir... Oui, ça fait partie de la conclusion. Il n'y a pas de musique ennuyeuse. Il n'y a que des traitements du musical ennuyeux. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que des écoutes. Il n'y a que des gens qui, en situation d'écoute, s'ennuient. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, en fait, moi, mon but, au départ, d'ailleurs, c'était vraiment juste de dire, tiens, c'est marrant ce que tu as dit, David, au début de l'émission. C'est-à-dire, tu as dit... Il n'y a pas d'auditeur qui s'ennuie. Bon, en fait, et je me disais, tiens, c'est marrant, moi je lisais les théoriciens, je lisais Riemann, je lisais Schenker, je lisais ces gens parce que. Voilà. Et j'observais que c'était des gens qui partaient toujours du principe que l'écoute était totale, entière, parfaite, saine. Et ça me dérangeait parce que je disais, mais c'est pas vrai, moi je suis désolé, on me parle de Wagner comme s'il fallait que je l'écoute de cette façon-là, et moi j'arrivais pas. Et donc, c'était une manière pour moi aussi, et c'est ça aussi pour la question qui a été posée tout à l'heure par. Par Robert Corlet. Voilà, par Monsieur Corlet. Donc c'est aussi ça. C'est-à-dire les enjeux ne se situent pas du côté de la phénoménologie, de la phénoménologie qui de toute façon ne veut pas perdre le caractère sacré de l'ennui. Et voilà. Mais par contre, c'est de dire, grâce à ça, on prend aussi conscience du fait qu'on vit dans un monde théoriquement qui considère l'écoute comme totale, idéalisée, parfaite, et que c'est pas vrai. En fait, ça c'est quelque chose qui est faux dès le départ. C'est et ça surtout que je voulais dire. Et la preuve, elle peut même être joyeuse de presque s'ennuyer. Et on termine avec Boccherini, donc. Ouais.